Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors ce soir, on a deux invités au féminin, donc Aurore et Leïla, et on va parler bien sûr des événements qui ont lieu à propos de la garde périscolaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, de Revillon, qui a disparu. Qui a disparu au mois de juin, qui a réapparu, je crois, au mois de septembre, et qui a disparu 15 jours après. Alors, je voudrais, dans un premier temps, bon, c'est pas une émission polémique, mais si bon, les partenaires, j'allais dire, concernés veulent intervenir, il est bien évident que nous leur accorderons le temps qu'il faudra pour des explications sur RGM ou une réponse véritablement sur ce problème. Hein, en sachant bien que la presse a déjà longuement parlé de cette affaire et que le responsable, enfin le président de la deuxième association qui a été créée au mois de septembre n'avait pas cru bon de répondre aux journalistes à cette époque-là. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Bonjour Aurore. Bonsoir. Bonsoir Leïla. Bonsoir à tous. Alors, il faudrait peut-être retracer un petit peu l'histoire de cette garderie de Revillon. Alors, Aurore, as-tu des éléments ça enfin, parce que bah, tu as été de nombreuses années... 7 ans, précisément. À la tête directrice de cette garderie périscolaire. Directrice pendant 7 ans, oui. Et avant, elle existait déjà. Elle existait déjà, mais je ne peux pas te dire exactement depuis quand. Enfin, en 7 ans, il y a eu pas mal d'événements, il y a eu des tumultes, etc. Tout à fait. Jusqu'au printemps, donc 2018, où la présidente a décidé de dissoudre l'association avec l'aide du centre social de Remiremont. Ah oui, tu veux dire avant l'été, là ? Tu parles de... Oui. Oui, c'est ça. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le printemps ? Bon, une halte garderie qui marchait KNK, hein, et... Il y a eu quelques événements aussi avant les événements du printemps 2018. Eh ben, de moins en moins d'enfants. Donc ça, c'était le problème à la base. Et puis, plus de parents pour vouloir gérer la garderie. Donc, moins en moins d'enfants, c'est-à-dire ? Eh ben, une diminution d'effectifs. Quand je demande à l'historique, qu'est-ce que représentait cette garderie périscolaire ? Ben, moi, quand j'ai commencé, il y avait une trentaine d'enfants inscrits. Et là, depuis quelques années, ça a fortement diminué, puisque, effectivement, au printemps dernier, il n'y avait plus qu'une une dizaine d'enfants. Donc, c'est-à-dire qu'elle correspondait à un besoin moindre des familles, ou bien les familles n'avaient pas les moyens de payer. Alors ça, je ne sais pas vraiment où est le problème face à ça. On ne sait pas exactement pourquoi il y a eu cette diminution. Il y avait autant d'élèves scolarisés, tout de même. Oui, tout à fait, autant d'élèves scolarisés, mais de moins en moins d'enfants à la garderie. Alors, qu'est-ce que disaient les parents à ce moment-là, ceux qui vous confiaient les enfants ? Ils ne disaient rien, les parents qui nous confiaient les enfants. Je veux dire, ça se passait bien, mais le problème, c'était que... Il n'y avait plus de parents pour vouloir gérer correctement la garderie. Parce que, rappelons-le, c'est une association. Loi 1901. Et donc, voilà, il n'y avait plus de parents pour vouloir gérer correctement la garderie. Et du coup, le centre social s'en est mêlé, à gérer, un temps. Et puis, l'année dernière. C'est-à-dire à la rentrée de septembre 2017. À la rentrée 2017, jusqu'à juin 2018. Où là, donc le dernier mois, ils ont décidé de nous licencier. Le dernier mois de 2018. 2018, de nous licencier. Et puis de faire appel à une autre garderie pour gérer la garderie de Révillon, celle de Jules Ferry. Mais ma collègue et moi, on n'était pas prioritaires sur le poste, alors que je suis en CDI depuis 2011. Et a démarré un conflit. Tout à fait. J'ai fait appel à un conseiller juridique pour savoir un peu mes droits et les lois. Et il était hors de question que je me laisse faire et que j'accepte cette situation. Oui, ce qui semblait paradoxal, puisque d'une part, il y avait quand même des besoins qui subsistaient, et puis d'autre part, la halte-garderie est obligée de continuer, puisqu'il y avait quand même des... Ça répondait à un besoin de parents. Tout à fait. Du coup, donc j'ai commencé à faire des courriers que j'adressais à la mairie, à l'association Les Petits Loups, et puis également à l'association qui était censée reprendre la garderie, celle de Jules Ferry. Et suite à mes courriers, Jules Ferry a préféré se retirer et ne pas gérer la garderie de Révillon, sentant que ce n'était pas d'une manière nette. Voilà. Donc, de là, il a fallu trouver une autre solution rentrée. Jules Ferry, qui aurait géré la garderie, ça signifiait que les enfants étaient obligés de se déplacer au centre de dormirement, puisque l'école... Non, c'était Jules Ferry qui gérait, mais et ils auraient mis du personnel à eux, à Révillon. D'accord. Alors que vous étiez là... Alors qu'on était là, avec ma collègue, ça fait... 7-8 ans moi 7 ans et elle 8 ans qu'on travaille là, et donc on nous mettait à la porte en gros. Enfin, on pouvait toujours postuler pour notre poste, mais c'était vraiment pas sûr d'être... Alors que vous étiez normalement prioritaire de toute façon, hein, dans le cadre... La logique, quoi. En CDI, une boîte reprend une autre boîte. Dans le secteur privé ou même dans le secteur public, ils ont une obligation de réembaucher. Donc je ne sais pas comment ils sont venus à penser comme ça et à préférer... Alors une autre question, les effectifs d'enfants étaient moindres, donc tu me disais, et est-ce que le personnel avait diminué entre 2011 que tu as connu, que tu étais... Non, toujours, on était trois, hein. Trois jusqu'à la rentrée ici, où on n'était plus que deux, mais sinon on était trois. Oui, il y avait quand même, vous n'étiez plus que deux en là, en à la rentrée, on n'était plus que deux, mais pas par rapport au fait qu'il y avait moins d'enfants, c'était parce que la personne avait trouvé, ne désirait plus travailler à la garderie, quoi. Il y avait des tensions au sein de la garderie ces derniers mois ? Oui, plutôt oui. Oui. Forcément, quand les gens sont prêts à perdre leur emploi, il y a un problème, quoi. C'est sûr que... Oui, mais moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'il y avait quand même des solutions avant qu'on en arrive à tout ça. Mais quand je parlais tout à l'heure de relations un peu tumultueuses qu'il y a eu quand même, à ce que j'ai appris, y compris des affaires qui auraient été au prud'homme, ou que du moins des consultations... Des concertations qui sont intervenues au dernier moment par rapport à des anciens employés de la garderie. Vous n'avez peut-être pas connu ça ? Non. Non. Ça a toujours été, apparaît-il, une garderie où il y avait quelques petits problèmes quand même. Oui, on peut dire. Entre l'association et puis le personnel. Entre les membres de l'association, il y a toujours eu, il y a eu de nombreuses démissions. Ce que je comprends pas dans cette histoire-là, c'est que une association peut avoir pour vocation, bien sûr, de gérer du personnel, mais en même temps, est-ce que véritablement les responsables, qui sont des bénévoles, qu'ils avaient les moyens de gérer du personnel ? Est-ce que... Parce que ça impose quand même à des bénévoles beaucoup de choses. C'est ça le gros problème. Sans structure derrière. C'est ça le problème, quoi. C'est qu'ils n'ont aucune connaissance, la preuve, quoi. Mais toi-même, en tant que directrice, tu mettais la main à la pâte quand même pour gérer. Oui, effectivement. Mais on peut dire qu'ils n'avaient aucune connaissance, puisqu'ils sont arrivés à faire tout et n'importe quoi. Y compris à dissoudre l'association. Dissoudre l'association. Ça, alors qu'il y avait encore du personnel, alors qu'il y avait encore tout à fait. Ce qui paraît aussi paradoxal, quoi. Voilà, déjà ça. Il faudra aussi parler de la baisse des heures aussi. Ah oui, parce que moi, ce qui me met en colère, et la raison de ma venue aujourd'hui, c'est vraiment comment j'ai été maltraitée, quoi, on peut dire ça. passer à la rentrée, on m'a quand même proposé un contrat un CDD au lieu d'un CDI. Mais passer de 19h à 7h30 de travail. Avant de se propulser sur la rentrée 2018, comment ça s'est fait exactement au printemps 2018, début de l'été 2018? Parce que là, tu dis que vous avez été licencié. On a été licencié. Pour motif économique. Pour motif économique. Et puis ensuite, on nous a proposé, donc il y avait eu la proposition de Jules Ferry. Qui a avorté. Qui a avorté. Et ensuite, on s'est réunis. Je suis allée voir Monsieur le maire. Oui, il y a une réunion avec Monsieur le maire. Il m'a certifié, trouvé une solution très rapidement, et voilà. Donc la solution, ça a été de faire appel à une ancienne... Une réunion avec le maire, l'adjointe aux affaires sociales, et puis des membres du périscolaire. Non, du centre social d'Ormiremont. C'est ça qui était... Et donc la solution, ça a été de rappeler une ancienne présidente de l'association. Et ils l'ont appelée et puis ils lui ont demandé de motiver des parents pour refaire une assoce parce qu'ils n'avaient plus d'autres solutions. Donc à quoi ils ont pensé. L'appeler et qu'elle se débrouille pour refaire une association. Ce qu'elle a fait, elle a réussi à motiver 2-3 parents. Et puis elle leur a dit... c'est tout, simplement, quoi. Elle a appelé des parents, et puis... Pour que ce soit clair, quand même, pour nos auditeurs, quand même, il faut savoir que la garderie de Revillon, ça ne concernait pas que la population d'Ormiremont. Non, celle de Saint-Étienne et aussi un enfant de Vecoux. D'accord, qui bien sûr, la proximité, puisque apparemment, l'école de Revillon... Tu sais combien il y a d'élèves à l'école de Revillon? Il me semble une centaine. Une centaine d'élèves, quand même. C'est quand même un établissement important. Qui mériterait bien sûr des structures périscolaires, quand même. Parce qu'on imagine mal une école de cette importance-là sans structure périscolaire. Mais enfin, bon. Surtout que depuis la rentrée, on avait 17 inscrits, là. Mais il y avait plus d'inscrits que l'année d'avant. Donc c'est dommage. Que c'est fermé. Alors historiquement parlant, Revillon, l'école se situe sur la commune de Remiremont, mais il y a aussi des terrains, enfin des annexes qui sont sur la commune de Saint-Étienne, paraît-il. C'est ça, tout à fait. Même peut-être Vecoux, on ne sait pas trop. Non, Saint-Étienne-Remiremont. Saint-Étienne-Remiremont uniquement. Ouais. Oui, on est vraiment à la limite des deux communes. Revillon, tu peux situer Revillon un peu? En allant vers Corat. Nos auditeurs ne sont pas romérimentins, puis même je suppose que les romérimentins ne connaissent pas forcément la section de Revillon. Peut-être que les personnes connaissent le magasin Noz, c'est tout de suite après le magasin, à gauche. D'accord. Là, il y a un groupe d'HLM aussi. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, près du groupe d'HLM. Ah, d'accord. Petite école. Où il y a de la jeunesse, forcément, et des enfants. Ah oui, tout à fait. Bon, on va poursuivre. On va peut-être s'accorder une pause musicale qui sera au choix de notre technicien aujourd'hui. Enfin, pour la première, du moins. Voilà. Notre expérience. était plus qu'immense. Alors oui, je me donnerai dans la démence. Nous reprenons l'antenne donc avec Aurore et puis Laïla, puis on parle bien sûr de la garderie périscolaire de Revillon, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité pas mal de tensions, de colère même parmi le personnel bien sûr, mais aussi parmi les parents d'élèves, hein, qui se sont trouvés délaissés. Mais on reviendra sur cet aspect de la question tout à l'heure. Je crois quand même qu'il est utile de reparler un petit peu de ce qui s'est passé à partir du printemps ou de la rentrée scolaire déjà de 2017 et puis du printemps 2018. Parce que si on veut vraiment comprendre la décadence, la faillite de la nouvelle association, il faut aussi regarder un petit peu pour toutes les manœuvres qui ont eu lieu depuis... Depuis la rentrée 2017, quand même. Même hein. au-delà de cette rentrée, on peut revenir. Oui, parce que quand je t'ai demandé de faire un peu l'historique de l'association, je pensais que tu allais aborder les différents problèmes, parce que les difficultés ne sont pas venues du jour au lendemain. Non, c'est vrai. Les difficultés ne sont pas venues du jour au lendemain. On m'avait déjà proposé, il y a 3 ans de ça, de ne travailler plus que 6 heures. Par semaine. Alors que tu faisais combien ? Temporairement. 19 à la base, c'est 19 heures. C'était 19 heures, tu étais embauché pour 19 heures. Qui correspondait aux besoins des parents. Voilà, aux besoins des parents. Enfin, aux besoins des parents. Bon, ensuite, c'est vrai que les heures ont diminué quand ils ont décidé de supprimer le midi. Donc là, j'étais plus à 19 heures non plus. Et ensuite... Supprimer le midi, c'est-à-dire eh ben, donc plus de garderie du temps de midi. Et là, vous faisiez cantine en même temps ? Non, pas du tout. Non, on ne faisait pas cantine. Non, non. Alors comment que... C'était, on prenait les enfants justement qui n'allaient pas à la cantine et dont les parents pouvaient venir les chercher du temps de midi, quoi. Il y a eu ce moment-là aussi. Après, ça a été supprimé, ça. C'est-à-dire que les parents n'avaient pas de solution du temps de midi, sinon les mettre dans une cantine, dans une structure voilà, et autre. Puis, voilà, et puis donc ils ont décidé d'arrêter le temps de midi. C'était quand ça ? C'était il y a peut-être 4 ans. Oui. 4-5 ans. Et ensuite, en voyant que la garderie allait très mal... Au niveau. Forcément, si effectivement. Ça explique peut-être aussi le nombre de parents qui cherchaient des solutions ailleurs qu'à une garderie périscolaire, si effectivement ils n'avaient plus de possibilité du temps de midi. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents qui travaillent à l'extérieur et qui ne peuvent pas rentrer le temps de midi. Donc moi j'ai trouvé, oui, c'était idiot d'enlever le midi, mais bon, c'est pas moi qui prends les décisions, donc voilà. Hein, donc l'association avait décidé d'enlever le midi, et puis... Et c'est à partir de là qu'il y a eu une chute véritablement de fréquentation ou pas ? Je sais pas, je pourrais pas te dire exactement si c'est vraiment à ce moment-là, quoi. Je pense que ça a quand même contribué ce qui paraît logique. Quoi. Ensuite, comme je disais, il y a 3-4 ans de ça, on m'a proposé de ne travailler plus que 6 heures parce que ça allait mal, parce qu'au niveau alors argent. L'association. L'association, toujours, l'ancienne présidente a décidé donc de nous diminuer nos heures. ça devait être temporaire, et puis ça a duré une année. Voilà, donc je me suis déjà sacrifié. Parce qu'il y avait des difficultés financières. Parce qu'il y avait des grosses difficultés financières, effectivement. Oui, c'était ça le problème. Un des problèmes. Mais qui subvend ça? Parce que là oui. Tu nous éclaircis pas ce point de vue. Mais je ne sais pas tout. Moi, je suis que salarié de l'association. Hein. Je ne suis pas membre de l'association. Mais qui subventionne la garderie, alors? Alors, la mairie et la CAF. La CAF, indirectement, quoi. Elle verse une allocation aux parents. Non, ah non, elle verse directement à la garderie. C'est pour ça, oui, on en remplit un. Est-ce que ces subventions sont trouvées diminuées ou pas? Je ne peux pas dire tout ça. Moi, je suis que salarié, je ne fais pas partie de la société. Moi, je n'ai pas vu les comptes, j'ai rien vu. Mais même en tant que salarié, vous n'étiez même pas informé de ce qui se passait alors? Bah non. Ni comptes, ni quoi que ce soit. Non, vous disiez simplement qu'il y avait des difficultés. Voilà, simplement des difficultés, mais après. On vous demandait de vous sacrifier. Les chiffres exacts, je ne sais pas. Voilà, on nous demandait de nous sacrifier, mais c'est tout, quoi. Après, réellement, ce qui est le problème, on n'était pas informé. Alors, d'une durée, en ce qui te concerne, une durée de travail de 19 heures, tu es passé à 9 heures, et ensuite, tu es remonté à. Mais ça a changé quasiment tous les ans, alors je ne peux plus te dire exactement. Il n'y avait pas d'avenant. Et jamais d'avenant, rien du tout. Alors à une année, c'était 19. Bon, pendant, je dirais 3 ans, ça a été 19 heures. Ensuite, ils ont supprimé le midi, donc 19 moins 4 heures, 15 heures. Mmh. Ensuite, pouf, il n'y a plus d'argent. Allez, on vous met à 6 heures de travail. Et pouf, là, ça va un petit peu mieux. On vous met à 13h45 de travail. Et là, pouf, ça a changé tous les ans comme ça. Tous les ans comme ça. Ils ont donc inventé un travail à géométrie variable. Quoi. Tu viens pas. C'est ça. Un peu le système anglais. Donc, et jamais d'avenant, rien du tout. Et puis. Vous étiez docile, quoi. On était docile, effectivement. Vous étiez prêt à accepter les conditions. Parce qu'à l'époque, il y avait une bonne ambiance. C'est agréable, faut dire ce qui est. C'est agréable de venir à la garderie. C'était agréable de venir à la garderie. Mais quel était le rôle de la municipalité de Remiremont, qui était quand même le maître d'œuvre hein, du centre social, qui est par l'intermédiaire du centre social. C'est ça que j'arrive pas à bien cerner par rapport à ce qui s'est passé au printemps 2018. Ah oui, on revient au printemps 2018 alors. Bah oui, on oublie les autres années. Non, j'ai pas oublié les autres années, mais tu dois donner une explication quand même sur le fait que vous n'étiez pas informé véritablement. Non, on n'est pas. La situation financière de l'association, ni même que vous n'étiez pas consulté, par exemple, quand on a supprimé le midi. On ne vous a pas consulté. Pas du tout. Alors que vous faisiez partie de l'association, malgré tout, vous-même. En tant que. Non, on n'était pas adhérent. Vous n'étiez pas adhérent à l'association. Non. Moi, j'y étais seulement de cette année parce que j'ai mon enfant qui était à la garderie, sinon non. Ah ben oui, bien sûr, c'était uniquement les parents d'élèves qui étaient invités donc à faire partie de cette association. Uniquement eux ou bien il y avait d'autres personnes qui étaient un petit peu des personnes compétentes ou autres? Souvent étaient invités... Parce que je sais bien que j'avais posé la question à une certaine époque, moi, je crois que c'était au printemps justement, à la fin du printemps 2018, en tant qu'animateur de radio aussi, pour s'informer de ce qui se passait. Et puis la présidente, je crois que c'est une autre personne, la trésorière de l'association qui m'a dit, nous, on n'est pas gâtés parce qu'on est des bénévoles, hein, il faut faire les bulletins de salaire, il faut les faire tout. Et puis, bien sûr, on n'a pas forcément tout le temps, même si on a les compétences, on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais on n'est que des bénévoles, etc. Et on n'a pas été aidés. Voilà ce qu'elle m'a dit. On n'a pas aidé, et surtout à cette époque, on leur a dit que tout allait bien et que on leur a même fait signer des papiers. Qui il ? La mairie ? Non, l'ancienne présidente de l'association, quand elle a passé le relais, elle leur a dit que au nouveau que tout allait bien et fait signer des papiers pour. C'était il y a 2 ans, 3 ans, c'est ça, à peu près. Ouais. Oui, d'accord. Donc, ils ont été surpris aussi de découvrir qu'en fait, c'était pas vrai, quoi, qu'il y avait des etc. Des trous dans la caisse. Il y avait des gros soucis financiers. Voilà, quoi. Pourtant, les subventions continuent à tomber, que ce soit la mairie de Remiremont ou pas. C'est ça qu'on n'arrive pas véritablement à cerner. On demandera éventuellement des explications. Il y a toujours eu des aides financières de la mairie, ça, il y a toujours... Je crois qu'on a parlé de 10 000 euros par an. L'année dernière, il me semble que c'était ça. Après les autres années, je ne sais pas. Je peux pas m'avancer sur des... je ne sais pas exactement. Donc une association Les Petits Loups qui meurt de sa belle mort. Enfin, qui meurt, oui, on peut dire ça. Qui était tué assez rapidement par la dissolution de l'association, dans des circonstances un peu rocambolesques, je dirais. Et comment que ça se passe alors là Alors donc vous êtes licencié. Donc une autre association ne veut pas prendre le relais, étant donné les difficultés que ça représentait. Voilà, l'association Jufferie. Et puis, vous vous retrouvez sans travail. Sans travail. Mais avec une promesse de repartir à la rentrée, apparemment. C'était ça. Exactement. Tout à fait. Alors, apparemment, quand je dis que ça s'est passé dans des circonstances rocambolesques, c'est-à-dire qu'il y a eu un licenciement sans licenciement, on ne sait pas trop, juridiquement parlant, enfin, je crois que c'est une avocate qui va s'occuper de l'affaire, on ne sait pas trop quelle portée juridique à ce licenciement, parce qu'apparemment, c'est tout été fait un peu à contre-courant, quoi. Ouais. Alors c'est là qu'est né un sentiment de révolte, parce que vous aviez fait tout ce que vous pouviez pour la... De ma part, le sentiment de révolte. Ma collègue, moi, hein. Elle était plus indifférente, parce qu'elle avait certainement d'autres revenus dans la famille. Ou je ne sais pas, ça la regarde, mais je suis seule dans ce combat, on va dire. Aujourd'hui, oui. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que vous étiez deux à la base et... Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé et la collègue et aujourd'hui, je suis toute seule à me battre face à cette situation. On va dire. Ouais. Alors, alerter l'association, le centre. Et la position du centre social, quand même, de Remiremont, qui était un peu maître d'œuvre, puisque tu le disais tout à l'heure, c'était elle, quand même, qui indiquait à l'équipe. Bah oui. À l'équipe de l'association, ce qu'il fallait faire. Bah oui, tout à fait, c'est ça. Alors que c'est ça qui se passe. On peut penser quand même que le rôle du centre social a été quand même particulièrement discutable dans cette histoire-là, non ? Bah oui, leur manière de penser est vraiment pas honnête et normale, quoi. Enfin, je sais pas, je suis quand même là depuis 7 ans en CDI. Alors, tu as fait des lettres, etc. Bah oui. Et que les réponses, bien sûr, n'ont pas été à la hauteur de tes attentes. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses, quoi. Peu de réponses. Que différents responsables, que ce soit la présidente de l'association à l'époque, que ce soit le centre social, tout le monde s'est défaussé. Bah oui, en disant, on dissout l'association, vous nous responsabilitez. En gros, c'était ça. Et c'est ça qui me met en colère, quoi. Je comprends pas, quoi. Comment une garderie peut être fermée aujourd'hui, quoi. Et qu'il n'y ait aucune... Alors, ça nous ramène quand même maintenant à la rentrée. Alors, vous êtes licencié, donc vous rentrez, vous êtes en chômage. Enfin, tu es en chômage. Mm-hmm. Je pense que ta collègue aussi. Oui. Donc ça veut dire licenciement économique, la procédure de licenciement économique prévoit donc une convention de conversion, enfin un CRP. CSP. CSP, pardon, oui. Un oui, CSP, voilà, ça consistait à quoi alors C'est un suivi de Pôle emploi, puis voilà, c'est tout simplement, on a régulièrement des entretiens, on nous aide dans nos démarches pour trouver du travail. À Épinal ou à Remiremont ? Moi, la personne que je vois, c'est à Remiremont, mais c'est Épinal qui gère, effectivement. C'est Épinal qui gère les CSP. Ouais. D'accord. Et ça se passe comment ? Comme je viens de te dire, je vois une responsable, enfin une... Il y a beaucoup de personnes qui sont licenciées puis qui ne savent pas ce qui les attend. Licence économique, j'entends, puisque c'est pour les licenciements économiques. Eh bien, tout simplement, on a un entretien régulier avec une personne qui nous aide dans nos démarches, c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est ça. Dans vos démarches de recherche d'emploi. Voilà. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, il n'y a pas de... Bien sûr, il ne peut pas avoir d'obligation de moyens dans ces cas-là pour retrouver un emploi. Mais il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement. Et qui dure combien de temps ? Un an. Un an. D'accord. Alors, arrive... vous avez dit que vous avez eu un entretien avec le maire. Voilà. Et suite des personnes... Suite à l'entretien... Et puis des personnes du centre social. Voilà. Et que suite à cet entretien, donc il devait être. Alors, ça repart. Ça repart. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que. Il se passe que ça n'a pas duré longtemps, cette affaire, puisqu'au bout de 15 jours, la garderie était fermée. Et bien, il se passe qu'on nous a proposé. Non, mais attends, avant d'arriver au résultat, parle voir un petit peu de. Eh bien, on nous convoque. Les nouveaux de l'association. Avec une dame qui a géré plusieurs années la garderie, donc celle qu'ils ont été chercher, celle que la mairie a été chercher pour remettre en place l'association. Et la dame-là a décidé de faire appel à une autre association, Jeunesse Sport 88, pour gérer la garderie. Donc elle a trouvé cette solution. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis on nous a proposé, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 7h30 de travail par semaine. D'un CDI, je passais en CDD, et de directrice à animatrice. C'est-à-dire au déclassement total. Voilà. Plus de salaire divisé par 3, en gros. En gros, oui. Limite, on nous demandait pas de venir bénévolement, quoi. Enfin, bon. Donc, de là, hop, j'ai recontacté mon conseiller juridique, qui m'a aidé à faire de nouveau des courriers... Pour défendre mes droits. Et... Mais la création de cette association, elle s'est faite comment ? C'est ça que je ne comprends pas très bien. À la rentrée. La nouvelle, là, les louveteaux ? Oui. Oui, parce qu'on a passé des petits louveteaux. C'est donc la dame du centre social là, qui a géré pendant plusieurs années la garderie, qui a tout simplement appelé la préfecture pour. Voilà, c'est les démarches qui... Et la préfecture, donc, a apparemment... Alors, eux, ils ont halluciné, enfin, par contre. La direction du travail a des liens avec cette association, donc... À ce que j'ai compris, la préfecture a quand même halluciné, parce qu'une association qui ferme pour en ouvrir une tout de suite derrière, pour la même activité sur le même lieu, ça a été quand même... ils ont été surpris, quoi. Mais bon, il y avait de quoi être surpris, parce que finalement, on s'aperçoit aussi que... À travers tout ça, il y a eu quand même des manœuvres un peu souterraines, non ? Entre le centre social, la municipalité, on se demande vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas tout, mais moi, je sais pas. Ce qui s'est passé, apparemment. Ouais. On ne sait pas exactement ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui... Alors, moi, association redémarre. Moi, je subis tout simplement. Une association loi de 1901 redémarre. Voilà. Mais redémarre mal. Et oui, mais c'était quoi cette association alors ? Apparemment, elle était plus ouverte que la première, puisque le président était, qui n'a pas voulu s'exprimer devant la presse, était de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Donc on peut penser quand même qu'elle devenait un peu plus intercommunale qu'avant. Oui. Non, il n'est pas de Saint-Étienne, il est de Remiremont, mais il est conseiller à Saint-Étienne. Ah bon ? Bref. Bon, enfin, oui, bref, bon, bref. Peu importe. Voilà, donc un nouveau président, un nouveau bureau de l'association, et puis ce nouveau bureau fait appel avec une des anciennes responsables des Petits Loups à une association d'Épinal qui met à disposition du personnel d'animation, c'est ça. Hein, tout azimut. On pourrait dire, auprès des associations qu'il demande. C'est ça. Mais le problème, c'est que... Alors déjà, je ne les ai jamais rencontrés. J'ai reçu mon contrat par courrier simple, par la poste. Et puis, sans les avoir rencontrés... sur le coup, je vais être honnête, sur le coup, j'avais, quand on m'a proposé les 7h30... J'avais toujours pas reçu mon contrat, j'ai dit bon, ok, ça va être un temps, comme d'hab, bon, allez, hop. Mais lorsque j'ai reçu le courrier à la maison, le contrat, j'ai dit attends, Aurore, tu peux pas encore te sacrifier une année, c'est pas possible, y en a marre, quoi. Oui, d'autant plus que. Y en a marre. 7h30 par semaine. Et puis c'est dévalorisant. On perd ses droits à certaines prestations. Et d'une puis, part. Et puis même par rapport au risque chômage. Et puis c'est dévalorisant. Quand tu passes de directrice à animatrice, je suis désolée. Comment on peut oser proposer des choses pareilles ? Moi, ça me met hors de moi, quoi. Je suis outrée. Pour pas être vulgaire. Alors, quel motif, enfin, Enfin, je pense qu'on peut, dans le cas contradictoire, on peut quand même parler de la version que pourra avoir la nouvelle équipe de l'association Loi de 1901. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'argent. Comment justifier ce recours à une association extérieure ? Comment qu'ils justifiaient cette diminution drastique des salaires ? Oui, pas d'argent. Toujours pas d'argent. Bah, ils ont remonté une association sans rien, sans argent. Je suis désolée, avant de faire ça, il faut penser aux salariés. Ok, il y a des enfants, mais il y a aussi des salariés. Donc, il ne faut pas se relancer sur tout. Les subventions de la CAF, les subventions communales n'étaient pas versées. Ben non, rien du tout. Mais ce n'est pas assez quand même pour le salaire qu'on leur doit, Michel. Puis, c'est rien. Il faut c'est déjà. Rien du tout, franchement. Non. Parce que les parents aussi mettaient. Oui, mais c'est pas suffisant. Oui, la garderie, elle est pas très très chère et c'est vraiment abordable pour les parents. Quoi. Ils sont super heureux de payer une telle somme pour une garderie. Hein. Ah oui, c'est vraiment. Ils trouveront pas ça ailleurs. Hein. Combien qu'ils payent ? Tout dépend le quotient. C'est pas un secret d'État. Non, pas du tout. Tout dépend le quotient familial. S'il est supérieur ou inférieur à 700 euros, donc c'est 43 euros ou 38 euros le mois. Rien quoi. Comparé à une nounou. Oui, bien sûr. Donc, une nounou, c'est le quart du SMIC horaire, quoi, par heure. Je sais pas exactement. Si, je crois, c'est la règle, quoi. C'est la règle avec. Non, il y avait pas d'argent. Et puis, donc, voilà, il n'y a pas d'argent. Donc, on demande aux salariés de faire peu d'heures. Non, hors de question, quoi. Puis au détriment des gosses, quoi, parce que finalement, toute seule, des plages de temps, vous étiez toute seule à faire. Oui, c'est vrai qu'on ne travaillait plus du coup en binôme, mais on était seule avec les enfants. Bon, apparemment, c'est accepté, la réglementation. Moi, j'hallucine sur cette façon aussi de laisser... D'assurer la sécurité, quoi, parce que... Bah, apparemment, on peut, donc... Mais moi, je comprends pas. Je sais pas, t'as un problème avec un enfant, tu dois le gérer, il est malade, ou même toi, tu te sens pas bien, tu fais un malaise. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les enfants qui s'occupent de toi ? Non, mais il faut arrêter. C'était une garde totalement au rabais, quoi, en somme. Ouais, totalement au rabais. Tu l'as bien dit, c'est ça. Parce que quel était votre rôle dans cette histoire de halte garderie ? Parce que je suppose que c'est pas un rôle uniquement statique de garder des enfants. Il y a une animation, etc. Oui, effectivement. Bah moi, en tant que directrice, donc j'avais la responsabilité des enfants, effectivement, aussi du personnel. Je faisais un peu d'administratif. Donc tout ça, quand t'es toute seule, c'est pas possible, quoi, déjà. Et puis... Ça veut dire que la plupart du temps, l'administratif, t'es obligé de le faire en dehors de tes heures, pratiquement. Ouais. Ouais, ça c'est... Cette année, j'étais plus que animatrice, donc là, il n'y a pas eu ce souci-là, mais je veux dire, l'année où j'étais plus qu'à 6 heures de travail... Qui reprenait ton rôle ? C'était l'association qui Un membre de l'association était trésorier et directeur de la garderie. Un membre de l'association. Sans avoir le diplôme ? Si, avec diplôme. Avec le diplôme quand même. Parce que quel diplôme il faut ? Parce que pour le BPJEPS... C'est vrai, quand on est d'extérieur, on pose plein de questions, mais c'est normal parce qu'on ne comprend pas tellement comment fonctionne ce type de structure. Et aujourd'hui, on nous dit, à Vanier, il y a des restrictions, ici il y a des restrictions, etc. Qu'est-ce qui se passe dans en ce moment avec les parents d'élèves ? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté politique de certaines municipalités ? On peut y comprendre parce qu'aujourd'hui, les communes auront de moins en moins de moyens. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des restrictions de plus en plus importantes de la part des communes pour faire fonctionner ce type de structure au service des parents ? J'en sais rien ce qui se passe. Je sais que les deux autres garderies fonctionnent très bien sur Remiremont. Malheureusement, nous, ça fonctionne pas, ça va pas. Il y a les parents, ça va pas. Eh ben, je comprends pas là. Il y a deux autres établissements. La Mée et puis Jules Ferry. C'est ça. Et eux, ça fonctionne très bien. Et c'est à peu près les mêmes effectifs. Non, ils ont beaucoup plus d'enfants. Ah oui, d'accord. Non, ils accueillent. Je crois qu'à Jules Ferry, c'est 80. Enfin, je veux pas dire 80 de bêtises, mais en garderie périscolaire. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Mais c'est donc nous, ça va pas. Enfin, je comprends pas pourquoi la mairie s'en mêle pas et qu'elle reprenne pas la garderie, que ça devienne municipal, quoi. Oui. Mais apparemment, c'est pas. C'est pas dans le but de la municipalité. Non, dit pour que, le moment. De toute façon, ça doit être associatif et qu'il nous casse des brouillés, en gros. C'est ça. Elle subventionne, elle se contente de subventionner, mais pas de donner d'aide administrative. Non. Donc, en fait, de toute façon, l'aide administrative qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, c'était plutôt catastrophique, n'est-ce pas ? Enfin, sur les licenciements. On peut dire ça comme du... ça. Ouais. Donc, voilà. Non, mais... Alors, donc l'association se met en place. Et 15 jours après, surprise. Surprise. Qu'est-ce qui t'est arrivé, alors ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Alors, déjà, la veille... La veille de quoi ? Oui, attends, tu m'as dit... T'as dit quoi exactement, Michel ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans ces 15 jours ? Oui, donc, le jeudi, la semaine... j'arrive plus à m'exprimer, ça y est. Le vendredi, je vais pour prendre mon poste. Juste le vendredi, je ne sais plus quelle date, 15 jours après la rentrée. Oui. Je vais pour prendre mon poste et m'attendaient le président et la secrétaire... à la garderie de l'association. Donc ils m'attendaient à la garderie, m'ont demandé mes clés, les clés de la garderie, et de quitter les locaux sur le champ, et voilà, quoi, de partir. Surprise, voilà, moi j'ai pas... Donc ils avaient fait appel à ma collègue de travail pour me remplacer. Et voilà, donc je suis rentrée chez moi complètement dépitée. Encore une fois, voilà. Aucune lettre de licenciement, j'avais commis aucune erreur. Pas écrit, rien du tout. J'avais commis aucune erreur parce que cette façon de faire, c'est quand quelqu'un commet des fautes graves. Et là, je ne pense pas que c'était le cas. Je pense que ce qui leur a pas plu, c'est mes courriers. Oui, c'est parce que là, tu avais fait des courriers. J'avais fait des courriers pour leur dire que ce que vous faites, c'est pas correct et il est hors de question que je me lance dans un truc pareil. Et ça leur a pas plu. J'ai pas voulu signer le contrat, c'est ça aussi, je pense, qui a fait que le contrat de 7h30. Donc ils ont dit, bon, elle a pas. De toute façon, t'avais meilleur temps de rester au chômage, j'étais indemnisé au chômage, que d'accepter une rémunération trois fois moins importante qu'avant. Donc, voilà. Et le soir même, donc ils avaient... Avec laquelle tu perdais tous tes droits, bien sûr. Et le soir même, donc c'était l'assemblée... Donc ils avaient convoqué la veille les parents pour l'assemblée générale extraordinaire afin de voter pour ou contre la dissolution de l'association. Étant adhérente depuis la rentrée, donc j'ai participé à cette réunion. Tu étais adhérente parce que ton fils enfant est scolarisé, et inscrit à la garderie. De là, donc je suis venue le soir. Donc je suis venue le soir, étant adhérente, et forcément, j'ai informé les parents présents de ce qui s'était passé, parce que c'était. Ils savaient pas. Ils savaient pas. Et je peux vous dire que ils étaient très mécontents, pas que de ma situation, mais aussi de ce qui se passait, parce que. Quand t'es quand même gardé leur enfant. C'est ça, quoi. Puis au bout de 15 jours, on leur dit, on va fermer. Ils étaient vraiment contents. On trouve pas une nounou comme ça du jour au lendemain, ou une solution de garde comme ça du jour au lendemain. Et puis donc ils ont voté malheureusement majoritairement la dissolution de l'association. Et de là, la garderie a fermé. Et les parents. Voilà, sans moyen de garde pour le lundi, il fallait qu'ils trouvent une solution. Et je peux vous dire que, donc moi j'ai vu des parents le lundi, il y a des parents qui n'ont pas pu aller travailler parce qu'ils n'avaient pas de moyen de garde. C'est fantastique. Et on a l'impression quand même, quand on entend, quand on redécouvre cette situation de l'extérieur, que c'est hallucinant quand même. C'est dingue. Non, je crois que c'est du jamais vu encore. Mais sachant qu'à Remiremont, tout est possible, malheureusement. Malheureusement, on est de plus en plus... Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe à Remiremont. Je sais pas, Lila, t'en penses quoi, toi, de ce qui se passe? Mais est-ce que c'est une démission des parents d'élèves? Est-ce que c'est une insuffisance d'aide par rapport aux parents d'élèves? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que ces gens-là, ils ne donnent même pas leurs sentiments, ils ne donnent même pas d'explication véritable à leur démission. Ah, parce que c'est véritablement une démission collective, quoi. Oui, on fait une association, puis du jour au lendemain, boum. Ah, bah attends, ce qui les a dérangés, c'est mes courriers. C'est l'irresponsabilité collective. Il y a eu mes courriers, déjà, qui ont fait que. Oui, mais d'accord. Parce que ça m'a été reproché. Les courriers pouvaient te répondre et puis dire, on n'a pas d'autre solution, n'importe quoi. On ne répond pas et donc... Alors, ce qui me tue dans cette histoire, c'est que tu soulevais aussi le problème qu'on a évoqué de ta responsabilité, etc. Bah oui. Puisque là, il n'y avait quand même pas de présence autre que, alternativement, la tienne et celle de ta collègue. Non, ce qui me met en colère, c'est surtout qu'on me remet la faute, quoi. Juste parce que je défends mes droits, quoi. Et c'est ça qui me tue, quoi. Comment. Enfin, certains parents. Pas tous, heureusement. Une minorité. C'est toi la responsable. C'est toi la victime. Voilà, parce que c'est aussi le fait qu'ils n'avaient pas de solution de garde pour leurs enfants et que. Voilà, ils sont en colère, donc il faut bien qu'ils soient en colère contre quelqu'un, quoi. Mais bon. Le président, alors, il s'est complètement défaussé. Il est aux abonnés absents aujourd'hui, apparemment. Oui. Hein? Il ne s'est pas justifié, rien du tout. Enfin, le bureau de l'association ne s'est pas justifié, ni quoi que ce soit. On arrive... Quel argument ils ont exposé pour la dissolution de l'association qui, quand même, est acceptée par une majorité de parents? Alors, je ne suis vraiment pas restée longtemps, parce que ça ne me disait vraiment pas de... Bah oui, je crois que ça peut se comprendre. J'étais, pas dans un très bon état d'esprit. Je suis venue juste m'exprimer par rapport à ce qui s'était passé le soir, au niveau de... qu'on m'a fait quitter les locaux et qu'on m'a demandé les clés. Après, je suis pas restée. Je ne pouvais pas, je ne me sentais pas bien. Parce qu'il faut savoir que... C'est compréhensible. Voilà. Donc, mais ils se sont justifiés sur le fait que... il n'y avait pas suffisamment d'argent, et puis mes courriers, qui est une salariée, se plaignait de la situation. Est-ce qu'il y avait un accompagnement ou pas de la mairie d'Ormiremont, du centre social, par rapport à ces nouveaux bénévoles? Non, aucun. Aucun, là. Ce coup-ci, aucun. Aucun. Aucun. À part une dame du qui travaille sur le quartier. Tu avais été autrefois présidente de l'association. Voilà, l'ancienne présidente, celle-là, cette année, c'est tout. C'est elle qui a tout manigancé. Et personne d'autre. Enfin, moi, je pense, à moins que, je sais pas tout. Il y a quand même des questions à soulever, malheureusement. Il y a des problèmes éthiques et juridiques dans cette histoire-là. Tout à fait. Comment qu'on peut dissoudre une association alors qu'on a des salariés, qu'on a un budget, qu'on a quelque chose, qu'on a des devoirs. Le manque de communication, C'est quand même de l'irresponsabilité de la part des différents. Manque de connaissances, c'est des personnes qui... Oui, mais attends, quand même, je pense qu'on se renseigne avant de... Non, mais attends, Michel, déjà pour me virer comme ça, il faut vraiment, je suis désolée. Il est où le respect, justement, de la personne en face? Mais au-delà du respect de la personne, bien sûr, c'est épouvantable ce qui s'est produit. Bien sûr. On peut comprendre quand même que c'est déstabilisant, c'est outrant. Du jour au lendemain, qu'on lui dit, vous, tu vires, or te reprends les clés. J'en avais gros sur la patate, je peux te le dire, parce qu'au bout de 7 ans, ça fait bizarre, quoi. Bah, c'est normal. Surtout que quand t'as pas. J'aurais commis une faute grave, mais rien, quoi, c'est ça, quoi. Simplement, t'as alerté sur des conditions qui n'étaient pas. Voilà. Et puis elle n'était pas d'accord, surtout pour ses conditions de travail et puis son contrat de travail. C'est tout à fait normal. D'où aujourd'hui, on peut pousser une personne à signer un contrat de travail. Donc chacun fait ses propres choix et chacun essaye de se défendre avec les moyens qu'il a. D'autant plus qu'Aurore était en conversion. Tout à fait. En CSP. Alors, c'est d'autant plus paradoxal puisqu'elle risquait de perdre tous ses droits, y compris voir ses droits au chômage minimisés, etc. Alors aujourd'hui, ils agissent sans réfléchir, ces gens-là. pour moi, il y a, bah, je sais pas quoi. Bah, comment devant un tribunal, ils sont quand même responsables de ce qui s'est passé. Voilà, forcément, toi, forcément, puisque c'est quand même le président, enfin le bureau d'une association qui est responsable, ou le conseil d'administration qui est responsable quand même de la vie de l'association. On dissout pas comme ça une association pour fuir ses responsabilités. Ça paraît quand même. Ça paraît quand même original, j'allais dire, pour ne pas dire plus. Voilà, on va peut-être s'accorder une nouvelle pause musicale avant de poursuivre, parce qu'il faut quand même examiner ce qui se passe actuellement. Hein, je pense. On pourrait croire qu'on lui fait des misères à sa façon de pleurer sur mes genoux, mais je veux plus être son papa ni son grand frère. Sont pas des rôles que je peux jouer jusqu'au bout. Pas du tout. Je lui dis, y a des gens sur terre qui chantent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Pourtant, est-ce que je peux être plus sincère? J'ai parfois du mal à joindre. L'année où je suis revenu de la guerre, j'ai jamais manqué à ces rendez-vous, pas du tout. Je lui dis, y a des gens sur terre qui pleurent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Reprenons l'antenne avec Aurore et Leïla, et nous parlons bien sûr de la garderie périscolaire de Revillon, enfin de l'ex-garderie, puisque on est arrivé quand même à une carence totale de la part des différentes associations qui ont géré cette halte garderie. On l'appelle souvent halte garderie, c'est garderie périscolaire le vrai titre. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, tu étais licencié, tu retournes au chômage dans la convention CSP. Et qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ton sort, par rapport au sort qui t'était fait par ces deux associations, parce que finalement les deux ont agi pas de manière très élégante vis-à-vis de toi. La première, non, bah, je vais continuer, en première, en faisant un licenciement qui n'était pas vraiment un licenciement, c'est pas ce que c'était, après avoir dissous l'association, oui, et puis la deuxième, donc, qui du jour au lendemain, d'une heure sur l'autre, te vire, quoi. Ouais, hein, bah, c'est ça. Tout simplement, je vais continuer dans ma lancée, et puis ça va se finir au tribunal, forcément. T'as saisi une avocate. J'ai saisi une avocate, je l'ai déjà rencontrée, je lui ai exposé les faits, elle a été fortement surprise, et voilà, donc elle est prête à m'épauler et à m'aider dans ce combat, et du coup, voilà. Et puis sachant bien sûr que ta situation de famille, voilà. T'es obligé de faire appel à l'aide juridictionnelle, quoi, parce que c'est ça. Donc, je vais faire. Mais je ne veux pas laisser. je veux pas laisser passer ça, il est hors de question, je vais encore pas me faire d'amis, on va encore dire que je suis grillée, mais je m'en fous, je veux dire, c'est pas parce que, voilà, je défends mes droits, ça plaît pas, j'ai l'impression que ça plaît pas à Mirmont, une fois, enfin, quand t'essayes de défendre tes droits, de faire valoir tes droits aussi, voilà, il ne supporte ça pas, plaît pas et on c'est est... quand même dommage. Et je pense que Leïla pourra... On est quand même dans un pays... Mirmont, mais... Bah oui, oui, mais c'est comme ça qu'on le voit, quoi. Social, parce qu'on entend, c'est... on entend il y a des choses qu'on voit, on voit des on choses, dit, on est grillé, pas... Voilà, t'es grillé, arrêter, tu louves trop, tu fais ci, tu fais ça, mais c'est quoi le problème, quoi? On n'a plus le droit de se défendre et il faudrait tout laisser passer, être... Non, hors de question. Surexploité, quoi, en gros. C'est ça. Oui, tu pourrais toujours travailler bénévolement, quoi. Pour arranger tout le monde. Oui, tout à fait. Moi, je refuse d'être des gens qui sont menés par le bout du nez, qui non, il est hors de question. C'est terminé, ça. Je me suis sacrifié, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, c'est fini, quoi. Et je défendrai mes droits. Point. Que ça plaise ou que ça plaise pas, tant pis. Voilà, Michel. Voilà. Eh bien, on arrive bientôt au bout de cette émission, mais enfin, bon, je ne sais pas, je me tourne un peu vers Leïla. Hein, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Parce que tu as été à une association de parents d'élèves aussi, toi-même, à un moment donné, non? Non, pas à Révillon. Pas à Révillon, non, mais au centre. Moi, j'ai travaillé à Révillon pour le remplacement de la directrice et d'une animatrice. Et c'est vrai que j'ai vu des choses assez révoltantes, mais bon, c'est pas grave. On s'y est fait quand même, et puis à la fin, ben, on m'a pas renouvelé mon contrat, et on a repris une jeune qui n'était pas qualifiée. Donc c'est pas grave. Moi aussi, ce que Aurore a eu là tout récemment, moi ça va faire depuis 2015 que je le vis, malheureusement. Et ça sera peut-être un bon sujet pour une autre émission de radio, et je pense que là, il y aura du monde qui voudra s'exprimer. Parce qu'il y a des choses qui sont assez aberrantes. Au jour d'aujourd'hui, quand on essaye de se défendre ou d'avancer, ouvert, hein, justement, pour on nous bloque. Hein. Donc le mot qu'a utilisé Aurore tout à l'heure, c'est le mot « grillé ». Donc moi aussi, j'ai posé des questions à certaines personnes. À partir du moment que vous demandez vos droits, vous êtes grillé. Ah bah, quoi. Exactement. Donc moi, le mot « grillé », qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le connais pas, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Donc vous les personnes qui l'utilisent... Vous pouvez être belle et docile, autrement... Bah. Voilà. Oui, mais... D'accord. Non. Voilà. Donc moi, les personnes qui utilisent ce mot-là, je voudrais bien savoir quelle définition vous lui mettez dessus. Parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. La définition que vous lui donnez, elle n'est pas, je pense. Et je pense que ce serait complètement différent. Alors, je rappelle simplement que pour... ceux qui ont été aujourd'hui un peu, quelque sorte, mis en accusation, c'est-à-dire que ce soit le centre social d'Ormiremont, la mairie, etc., ben, ils peuvent toujours s'exprimer. Hein. On leur laissera, bien sûr, la possibilité du contradictoire, et on attend les explications quand même, parce qu'on peut trouver que c'est quand même original ce qui s'est passé à Révillon. Voilà, ben, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous deux, et puis... merci pour l'invitation. Merci à toi, Michel. Oui, et puis bien sûr, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bonne soirée. À bientôt.